continuellement. J'y vais, je fonce dedans. Mais non, c'est bon, c'est mort. Il faut que je m'arrête à temps. J'ai mis de l'eau dans mon portefeuille. Après, cuit dans un lave-vaisselle. Mes potes vont dire redescend. Un petit dernier pour les absents. J'ai mis de l'eau dans mon portefeuille. Pour un charrette, j'ai plus d'oreille. De faire pousser, j'ai plus d'espace. Ma femme me quitte et je vois tout. Pousser le love que l'on respire. Là où c'est vert, c'est quoi j'ai dit. Faut pas changer, je vais mourir. Mais c'est pour nous, c'est pour la vie. J'arrête, finis ma vie à l'air.